bête révèle alors à Crevel la liaison de Hulot avec Valérie, une femme du monde. Elle lui donne le désir de se venger de son rival heureux en lui soufflant cette maîtresse à laquelle il tient plus qu'à sa femme. Le même soir, avant de déclencher le mécanisme judiciaire qu'elle a monté pour mettre Venceslas en prison, elle fait auprès de lui une dernière tentative. À 7 heures, Lisbeth revenait déjà chez elle en omnibus, car il y tardait de revoir Venceslas de qui, depuis une vingtaine de jours, elle était la dupe et à qui elle apportait son cabas plein de fruits, empilé par Crevel lui-même, dont la tendresse avait redoublé pour sa cousine bête. Elle monta dans la mansarde d'une vitesse à perdre la respiration et trouva l'artiste occupé à terminer les ornements d'une boîte qu'il voulait offrir à sa chère Hortense. La bordure du couvercle représentait des hortensias dans lesquelles se jouaient des amours. « Vous travaillez trop depuis quelques jours, mon bon ami, » dit Lisbeth, en lui essuyant le front, couvert de sueur et le baisant. « Une pareille activité me paraît dangereuse au mois d'août. Vraiment, votre santé peut en souffrir. Tenez, voici des pêches, des prunes, de chez M. Crevel. Ne vous tracassez pas tant. J'ai emprunté 2 000 francs et, à moins de malheur, nous pourrons les rendre si vous vendez votre pendule. Cependant, j'ai quelques doutes sur mon prêteur, car il vient d'envoyer ce papier timbré. » Elle plaça la dénonciation de la contrainte par corps sous l'esquisse du maréchal de Montcornet. « Pour qui faites-vous ces belles choses-là » demanda-t-elle en prenant les branches d'hortensia en cire rouge que Venceslas avait posées pour manger les fruits. « Pour un bijoutier. » « Quel bijoutier ?»« Je ne sais pas. C'est un ami qui m'a prié de tortiller cela pour lui, car il est pressé. » « Mais voilà des hortensias, » dit-elle d'une voix creuse. « Comment se fait-il que vous n'ayez jamais manié la cire pour moi ? Était-ce donc si difficile d'inventer une bague, un coffret, n'importe quoi, un souvenir ?» dit-elle en lançant un affreux-regard sur l'artiste dont, heureusement, les yeux étaient baissés. « Et vous dites que vous m'aimez ? En doutez-vous, mademoiselle ? Oh, que voilà une mademoiselle bien chaud ! Tenez, vous avez été mon unique pensée depuis que je vous ai vu mourant, là. Quand je vous ai sauvé, vous vous êtes donné à moi. Je ne vous ai jamais parlé de cet engagement. Mais je me suis engagé envers moi-même, moi. Je me suis dit, puisque ce garçon se donne à moi, je veux le rendre heureux et riche. Eh bien, j'ai réussi à faire votre fortune. Et comment ? Demanda le pauvre artiste, au comble du bonheur, et trop naïf pour soupçonner un piège. Voici comment, reprit la Lorraine. Lisbeth ne put se refuser le plaisir sauvage de regarder Venceslas qui la contemplait avec un amour filial où débordait son amour pour Hortense, ce qui trompa la vieille fille. En apercevant pour la première fois de sa vie les torches de la passion dans les yeux d'un homme, elle crut les y avoir allumées. « Monsieur Crevel nous commandite de 100 000 francs pour fonder une maison de commerce. Si, dit-il, vous voulez m'épouser. Il a de singulières idées, ce gros bonhomme-là. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle. L'artiste, devenu pâle comme un mort, regarda sa bienfaitrice d'un œil sans lueur et qui laissait passer toute sa pensée. Il resta béant et hébété. « On ne m'a jamais si bien dit, » reprit-elle avec un rire amer, « que j'étais affreusement laide. »« Mademoiselle, » répondit Steinbock, « ma bienfaitrice ne sera jamais laide pour moi. J'ai pour vous une bien vive affection, mais je n'ai pas 30 ans et... « Et j'en ai 43, » reprit-elle. « Ma cousine Hulot, qui en a 48, fait encore des passions frénétiques. Mais elle est belle, elle. 15 ans de différence entre nous, mademoiselle. Quel ménage ferions-nous ? Pour nous-mêmes, je crois que nous devons bien réfléchir. Ma reconnaissance sera certainement égale à vos bienfaits. D'ailleurs, votre argent vous sera rendu sous peu de jours. « Mon argent ? » cria-t-elle. « Oh, vous me traitez comme si j'étais un usurier sans cœur. » « Pardon, » reprit Venceslas, « mais vous m'en parlez si souvent. Enfin, vous m'avez créé. Ne me détruisez pas. Vous voulez me quitter, je le vois, » dit-elle en hochant la tête. « Qui donc vous a donné la force de l'ingratitude, vous qui êtes comme un homme de papier mâché ? Manqueriez-vous de confiance en moi, moi, votre bon génie ? Moi qui si souvent ai passé la nuit à travailler pour vous ? Moi qui vous ai livré les économies de toute ma vie ? Moi qui pendant 4 ans ai partagé mon pain, le pain d'une pauvre ouvrière avec vous, et qui vous prêtez tout, jusqu'à mon courage. « Mademoiselle, assez, assez !» dit-il en se mettant à ses genoux et lui tendant les mains. « N'ajoutez pas un mot. Dans 3 jours, je parlerai. Je vous dirai tout. Laissez-moi, » dit-il en lui baisant les mains. « Laissez-moi être heureux. J'aime et je suis aimé. »« Eh bien, sois heureux, mon enfant, » dit-elle en le relevant. Puis elle l'embrassa sur le front et dans les cheveux, avec la frénésie que doit avoir le condamné à mort en savourant sa dernière matinée. « Ah, vous êtes la plus noble, la meilleure des créatures. Vous êtes l'égale de celle que j'aime, » dit le pauvre artiste. « Je vous aime assez encore pour trembler de votre avenir, » reprit-elle d'un air sombre. « Judas s'est pendu. Tous les ingrats finissent mal. Vous me quittez ? Vous ne ferez plus rien qui vaille. Songez que sans nous marier, car je suis une vieille fille, je le sais, je ne veux pas étouffer l'affaire de votre jeunesse, votre poésie, comme vous le dites, dans mes bras, qui sont comme des sarments de vigne. Mais, sans nous marier, ne pouvons-nous pas rester ensemble ? Écoutez, j'ai l'esprit du commerce. Je puis vous amasser une fortune en 10 ans de travail, car je m'appelle l'économie, moi. Tandis qu'avec une jeune femme, qui sera toute dépense, vous dissiperez tout. Vous ne travaillerez qu'à la rendre heureuse. Le bonheur ne crée rien que des souvenirs. Quand je pense à vous, moi, je reste les bras ballants pendant des heures entières. Eh bien, Menceslas, reste avec moi. Tiens, je comprends tout. Tu auras des maîtresses, de jolies femmes, semblables à cette petite Marnève qui veut te voir et qui te donnera le bonheur que tu ne peux pas trouver avec moi. Puis, tu te marieras quand je t'aurai fait 30 000 francs de rente. Vous êtes un ange, mademoiselle, et je n'oublierai jamais ce moment-ci, répondit Venceslas en essuyant ses larmes. Vous voilà comme je veux, mon enfant, dit-elle en le regardant avec ivresse. La vanité chez nous tous est si forte que Lisbeth crut à son triomphe. Elle avait fait une si grande concession en offrant Madame Marneffe. Elle éprouva la plus vive émotion de sa vie. Elle sentit pour la première fois la joie inondant son cœur. Pour retrouver une seconde heure pareille, elle eut vendu son âme au diable. « Je suis engagé, répondit-il, et j'aime une femme contre laquelle aucune ordre ne peut prévaloir. Mais vous êtes, et vous serez toujours, la mère que j'ai perdue. » Ce mot versa comme une avalanche de neige sur ce cratère flamboyant. Lisbeth s'assit, contempla d'un air sombre cette jeunesse, cette beauté distinguée, ce front d'artiste, cette belle chevelure, tout ce qui sollicitait en elle les instincts comprimés de la femme, et de petites larmes, aussitôt séchées, mouillèrent pour un moment ses yeux. Elle ressemblait à ces grêles statues que les tailleurs d'images du Moyen-Âge ont assis sur des tombeaux. « Je ne te maudis pas, toi, » dit-elle, en se levant brusquement. « Tu n'es qu'un enfant. Que Dieu te protège. » Elle descendit et s'enferma dans son appartement. « Elle-même, » se dit Venceslas, « la pauvre créature. A-t-elle été chaudement éloquente ? Elle est folle. » Ce dernier effort de la nature, sèche et positive, pour garder avec elle cette image de la beauté, de la poésie, avait eu tant de violence qui ne peut se comparer qu'à la sauvage énergie du naufragé essayant sa dernière tentative pour atteindre à la grève.